lèvres parlent à ma place. Ni bobo n'a pas sauvé dans les côtes, mon frère. Sauvé dans mon bobo pour manger. C'est ça dans les côtes, mon bobo pour le bail. C'est le short candole. Papa Kali. Didi qui nous a dit mon somme et mon mène à ma bamba. Michel la Vienouya. Christelle Candol. Arcanciele Canada, tu maya pula, Arcanciele Coquichane, Ocana, Maya Michelina, Azolela, Sufrancele, que marca, que te compuesta, que no irá ni te al sabor, a poner la mesa, la matina, la llevo, la maniva, que la yo posara, Molo Marina, nadie, busco solo un papo, voy a Chique Mapuya. Maréchal Tito, Magali Siki, Arsène Kamango, Yves Norman. Quel que soit l'ira de la nuit, nous laissons mais enfin mes frères. motema na ngai ngai shiki na salani pona kuta sofonde kosa mulenda kuta bomengo esa mitira nzambe nzombo kotino papi muyoyoka tosha plis pa mwe aye ya shaki pembe bale ya tete na bambu bale ye oya maeza bolingo kama ayo jetezi ande apeno kuta bachefe ya tika na mabacha mutuna na simai mon conjoint qui me bute les premiers citoyens de la ville. Le boss de chez Tembaka et lui, DJ Frank, Bolivar Samuel Flamin. Yoyo RTLC, Hyper Choco, Valérie qui est la journaliste.